Ma bio au Bifidus Actif d'aujourd'hui sera consacrée à un comédien qui, à l'inverse de beaucoup d'autres, n'a pas changé son nom pour jouer, mais son prénom. Ce comédien, c'est Thierry Lhermitte, qui se prénommait auparavant, bien évidemment, Bernard Lhermitte. La première partie de sa vie, il l'a passé accroché à un rocher au fond d'une grotte en compagnie de Bob l'éponge. Oh. Bob l'éponge, cher Adibo Marchand, qui lui a consacré un sketch. Que dis-je, un sketch, une œuvre complète. N'en fais pas trop. Ah, c'est pas fini. Thibaut, qui je le précise, sera bientôt en grande tournée mondiale en Haute-Loire. Si, ça existe la Haute-Loire, j'ai vérifié sur Wikipédia. Il y a deux lignes. Bon, j'arrête parce que je sens qu'on risque de perdre tous les habitants de la Haute-Loire, ça fait quand même 10 personnes. Bon, la Haute-Loire, ça c'est fait. La semaine prochaine, je m'attaquerai à la Creuse, histoire de perdre 6 auditeurs de plus. En même temps, j'aime bien perdre des auditeurs. Je me dis qu'à force de les perdre, il n'y aura plus du tout. Et je pourrai enfin rester chez moi pour regarder Question pour un champion. Oui, c'est ça les vieux. Malheureusement, malgré tous mes efforts, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur Radio Air Show. Mais revenons à l'air libre, enfin à l'ermite. Comment une personne vivant au fond d'une grotte peut-elle passer de l'ombre à la lumière et devenir bronzée? C'est tout l'objet de cette chronique. Que dis-je de cette chronique, de cette thèse qui se déroulera en trois temps. Thèse, antithèse, synthèse. Priez pour nous. Ah, une réaction. Ah, il y a un temps de réponse. Il y a un temps de réponse, en général. Ouais. Ah, une réaction, mais ce n'est pas sur hashtag Pantex, c'est un pigeon voyageur qui nous arrive de la Haute-Loire. Ah, oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore d'électricité. Oh, désolé Thibaut, c'est ta fête aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison que ça ne tombe pas sur toi. La semaine dernière, c'était mon anniversaire. Alors, je déplie le message. C'est ta maman, justement, Thibaut, qui me dit qu'en Haute-Loire, il n'y a pas 10 habitants, mais 12. Apparemment, il compte aussi les poules. Je vous prie de m'excuser, Madame Marchand. Je sens bien qu'en parlant du puits en volet, je ne fais pas dans la dentelle. Oh, ah, faut savoir que la dentelle est la spécialité du puits. Oui, voilà, j'allais dire, c'était un private joke, là, on ne comprenait pas tous. Exactement, il faut un peu de culte. Ah. Oh. Auvergnat, la culte. Ça ne m'aurait pas plu. Ah, une réaction sur hashtag Pontex. Ah. Donc, c'est pas de la Haute-Loire. C'est Thierry Lhermitte qui me demande quand est-ce qu'on va enfin commencer à parler de lui. J'y viens, Thierry, j'y viens. Alors deux secondes, le temps que j'aille sur Wikipédia. Bon ok, bon d'accord, t'as joué dans 127 films, dont certains ont des grands succès, Dîner de con, Ripou, Un nez dans la ville, Placard, Père Noël est une ordure. Ok, bon, ça, tout le monde le sait Thierry, je pense que ça intéresse beaucoup les auditeurs. Voyons la partie vie privée, même si Florian est absente aujourd'hui. Bon, il est marié, il a même fait le mariage du siècle. Bon, en même temps, il n'a pas épousé Sophie Marceau non plus. Hein. Ah si, une information intéressante, l'acteur souffre de prosopagnosie. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la prosopagnosie? C'est quand tu reconnais pas les visages. Exactement, Thibaut. Ouais, mais ça, quoi, y a pas de point. Ah. T'as pas dit pour tout ça. T'as pas dit pour tout. Effectivement, la prosopagnosie, c'est le trouble de la reconnaissance des visages. C'est l'impossibilité d'identifier un personnage connu et familier. C'est comme si je rentrais dans le studio et que je vous demandais, mais qui êtes-vous? Vous seriez tous étonnés, sauf Alexis, bien sûr, qui me dirait, mais qui êtes-vous? Vous. Parce qu'on ne le connaît pas. Enfin, on ne se connaît pas. Vous imaginez les problèmes que ça a dû poser à Thierry Lhermitte sur ses tournages? Le réalisateur, elle était bien, Thierry, mais on l'a refait. Il y avait une perche dans le champ. Oui, quand elle est bien, il y a toujours une perche dans le champ. Et Thierry de répondre, oui, d'accord, mais qui est cette personne en face de moi? Mais ta partenaire, Thierry, ça fait 3 semaines que vous jouez ensemble. Ah, d'accord, bonjour madame. Ça doit être terrible. En même temps, ça a des avantages. Vous croisez sans vous arrêter dans la rue un pote à qui vous avez oublié de rendre les 100 euros qu'il vous avait prêtés. Il vous arrête et il fait pas semblant de pas me reconnaître. Oh, pardon, excuse-moi, tu sais, je souffre de prosopagnosie. Oh, désolé, je savais pas. Pas de soucis, hein, je te rends ton argent la prochaine fois qu'on se voit. Enfin, si je te reconnais, bien sûr. C'est bien aussi avec ses ex. Il y en a certaines qu'on préférerait oublier. Et le top du top, vous vous faites surprendre par votre femme chez vous en train de faire l'amour à votre maîtresse. Excuse-moi, chérie, il m'a dit que c'était ma femme, je l'ai cru, tu sais bien que je peux pas reconnaître les visages. D'ailleurs, Marjorie, si tu m'écoutes, je peux te l'avouer maintenant, je souffre de prosopagnosie. Voilà, donc c'était la bio de Thierry Lhermitte. Ah, encore une réaction sur hashtag Pontexte de Thierry Lhermitte qui trouve que son portrait est beaucoup trop réducteur. Je comprends, Thierry. Mais dans ce cas, j'ai une solution pour toi. Si tu veux une vraie bio, bien professionnelle, adresse-toi à Gilles Bottineau. Il l'a déjà fait pour ton copain, Christian Clavier. Et le résultat est splendide. Wow. Joli. Merci. Merci. Je sais pas si je dois te dire merci, Jean-Paul. Hein. On va avoir une petite excuse à la famille Marchand. On va avoir une